بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنخوض المسألة الثالثة. Troisième point cité par l'auteur. Toujours dans سورة البقرة. قال عز وجل هدى للمتقين. Une guidée pour les pieux. Verset 2. Toujours dans le même verset. هدى للمتقين. À propos du Coran. قال رحمه الله تعالى خصص في هذه الآية هدى هذا الكتاب بالمتقين. Que Allah a spécifié dans ce verset la guidée de ce livre pour les pieux. وقد جاء, يعني que cette guidée n'est que pour les pieux. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن هداه عام لجميع الناس وهي قوله تعالى شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس. Et dans d'autres versets, il est venu justement que cette guidée est générale pour tous les hommes. Comme dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, dans le sens où il dit que le mois de Ramadan, celui dans lequel est descendu le Coran, qui est une guidée pour les gens. Taïe, pour les gens. Sourate Baqarah, verset 185. Donc comment un verset peut dire que ce livre est une guidée juste pour les pieux, et de l'autre côté, un autre verset dit que c'est une guidée pour tous les gens. وجه الجمع بينهما أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين أحدهما عام والثاني خاص. Comment on dit entre ces versets-là que le terme de Huda qui est la guidée dans le Coran a été employé de deux façons, une qui est générale et une qui est spécifique. أما الهدى العام إبانة طريق الحق وإيضاح المحججة وإيضاح المحججة سواء سلكها المبين له أم لا. Donc la première guidée qui est générale, c'est celle qui est le fait de démontrer la voie à suivre, de démontrer la vérité, d'éclaircir les arguments. Et peu importe que celui à qui on éclaircit la chose accepte ou pas, la guidée a été faite. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم طريق الحق على لسان نبينا الصالح علي وعلى نبينا الصلاة والسلام مع أنهم لم يسلكوها بالدليل قوله عز وجل فاستحبوا العمى على الهدى. Parmi les choses qui justement démontrent ce que l'auteur vient de dire, il dit مثلا dans le sens où Allah dit quant à ثمود, nous les avons guidés. Dans Sourate Fussilat, détaillé, verset 17. C'est-à-dire, nous leur avons démontré la voie à suivre sur la langue de notre prophète Salih, alayhi salam. Et malgré cela, ils n'ont pas suivi cette voie-là. Comme le prouve la parole d'Allah dans le sens où il dit, qu'ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. C'est-à-dire, le peuple de Salih qui était Thamoud n'ont pas accepté le message de Salih. Donc la guidée, est-ce qu'ils l'ont pris ou pas? Ils l'ont pas prise. Alors que Allah Azza wa Jalla a bien dit Amma Thamud fahadaynahum, nous les avons guidés. Tamam. Donc ça c'est l'âme. Wa minhu aydan qawluhu ta'ala inna hadaynahu as-sabil. Ay bayyana lahu at-tariq tariq al-khayr wash-shar bi dalil qawlihi imma shakiran wa imma kafura. Également parmi les versets allant dans ce sens, Allah dans le sens où il dit en parlant de l'humain, certes, nous lui avons guidé la voie. C'est-à-dire, nous lui avons montré la voie qui amène au bien ou celle qui amène au mal. Pour preuve de sa parole dans le sens où il dit, ça c'est Surat al-Insan, verset 3. Et dans l'autre verset, il dit, qui démontre justement, qui fait allusion là, soit au bien, soit au mal, قال, dans le sens, soit il est reconnaissant, ou soit il est ingrat. Dans la même surat, à la fin du même verset. Donc là, ça montre quoi? Que la guidée, elle est démontrée de façon générale, c'est-à-dire qu'on te montre la voie, que tu l'acceptes ou pas. La guidée a été faite. ثم قال وأما الهدى الخاص فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد. Quant à la khas, la guidée qui est khas spécifique, c'est que Allah gratifie son serviteur en lui accordant le tawfiq, la réussite. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى أولئك الذين هدى الله. Dans le sens, Allah dit, et ceux-là sont ceux que Allah a guidés. Surat Al-An'am, les bestiaux, verset 90. وَقُولُهُ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Et celui à qui Allah veut accorder la guider, il lui ouvre sa poitrine à l'islam. Dans le même surat, verset 125. Donc ça c'est la hidayah qui est khas. La huda qui est khas, qui est spécifique. فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَعْلَمْ أَنَّ الْهُدَى الْخَاص بِالْمُتَّقِينَ وَهُوَ الْهُدَى الْخَاص وَهُوَ التَّفْضِيلُ بِالتَّوْفِيقِ عَلَيْهِمْ وَالْهُدَى الْعَامُّ لِلنَّاسِ هُوَ الْهُدَى الْعَامُّ وَهُوَ إِبَانَةُ الطَّرِيقِ وَإِيضَاحُ الْمُحَجَّةِ. Donc maintenant, si tu as compris cela, tu auras su que la guidée qui est khas, qui est spécifique aux gens pieux, c'est celle qui est khas, qu'on a dit en deuxième, c'est-à-dire celle que Allah a accordée comme tawfiq et qu'il a gratifié son serviteur en lui montrant la vérité, en faisant en sorte qu'il l'accepte. Quant à celle qui est générale, pour tous les gens, comme dans le verset de Sourate al-Baqarah où Allah dit qu'il a fait descendre le Coran dans le charme de Ramadan, c'est une guidée qui est générale, c'est-à-dire qu'on a montré à travers ce livre aux gens la voie à suivre. C'est une guidée générale. Et on leur a montré les arguments. قال وبهذا يرتفع الإشكال أيضا بين قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت مع قوله عز وجل وإنك لا تهدي لصراط المستقيم. Donc là également, cela résout le problème que certaines personnes pourraient avoir. Verset qui est dans le kitab Tawhid et dans d'autres masaïl de la Aqida, où voilà dans le sens où il dit que certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Surat Al-Qisas, les contes, verset 56. Et pour lire entre l'autre verset, certes, tu guides vers un chemin droit. Non, Surat Al-Shura, la consultation, verset 52. Car ces deux versets-là laissent apparaître une contradiction également. Donc ça, c'est la même réponse. لِيَنَّ الْهُدَى الْمُنْفِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْهُدَى الْخَاصِ لِيَنَّ التَّوْفِيقَ بِيَدِ اللَّهِ وَحْدَهُ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Donc là, celle guidée que Allah n'a pas accordée au messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle qui est khas, celle du tawfiq. Car le tawfiq, c'est une chose qui ne revient que Allah azza wa jal, seul. Dans le sens où il dit, et celui à qui Allah veut, que Allah veut éprouver, toi tu ne possèdes rien contre Allah pour lui. Tu ne peux rien faire pour lui. Surat al-Ma'idah, la table servie, verset 41. Wa al-huda al-muthbata lahu. هو الهدى العام الذي هو إبانة الطريق وقد بينها صلى الله عليه وسلم حتى تركها محجة بيضاء ليلها كنهارها. Donc celle qui a été affirmée au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celle qui est âme, qui est générale, qui est le fait de démontrer la voie à suivre. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam justement l'a fait, il nous a démontré cette voie-là, qu'il a laissé des preuves, il a laissé une voie claire, blanche, de jour comme de nuit. قال عز وجل والله يدعو الى الدار السلام ويهدي من يشاء الى الصراط المستقيم. Que Allah appelle vers la voie de la paix, vers la maison de la paix, et il guide qui il veut vers le chemin droit. Surat Yunus, verset 25. Donc de là, alhamdoulillah, est éclairci le lien à faire entre ces versets. Biznillah ta'ala. Wa subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.